17h07 dans Si tu écoutes, j'annule tout. Ça va filer droit ce soir. La patronne est de retour. Bonsoir, vous êtes bien informé. Merci Maxime. Oui, vous faites bien de le rappeler à mon équipe. Hein, ça va filer droit. Voilà. Hein. Non, mais il faut quand même que les choses reviennent normalement. Bah, il me semble. Il y a juste quelque chose qui me fait un peu mal au cœur. C'est que j'ai entendu la bourse. Le Pernod Ricard est en baisse. Et ça, bon. Mais j'ai dû travailler la semaine dernière, moi. Le temps de boire. Mais les gens diluent trop, hein, c'est ça. Hein, s'ils mettaient un peu plus de Ricard, un peu moins d'eau, Pernod Ricard serait en hausse. Ah bon, écoutez, c'est comme ça, il faut quand même que ça marche. Hein, c'est du Made in France, voyons. Bon, merci Maxime, hein, c'était un plaisir. Hein, bonne c'est, émission, je suis tellement ravie de vous retrouver que je garde le micro avec vous comme ça, jusque bon, c'est pas grave. Voilà. À demain. Écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis. Salut Charlie. Ah, je suis contente d'être rentrée. Voilà, papa, on y va. On est content. Attendez, il est où Alex là? Il a dit qu'il arriverait vers 16h30. 16h30. Ouais, parce qu'il trouve qu'il a trop travaillé la semaine dernière. Donc, c'est sûr que ça a dû lui faire tout bizarre. Ah oui, ça c'est sûr. Ça s'est bien passé sinon? Ouf, Non mais dites-moi. Voilà. Ok, voilà. Bon, ça, je m'en doutais. Ah bon, je vais reprendre les rênes. Ouais, c'est mieux. Bon, avec les invités, t'es sympa quand même, Alex. Ah, oui. Oui, très sympa. Avenant même. Qu'est-ce que tu entends par avenant? Bah, avec Léa Drucker et Brigitte. Mais quoi? Elles ont porté plainte quand même, donc voilà. Non, mais, alors, parfait. Alors là, non mais il exagère, franchement. Non mais est-ce que je fais ça quand il y a Raphaël Antoven qui vient? Non. En plus, il aurait sans doute pas porté plainte. Hein, oh, bah, ça, c'est pas dit quand même. Bon, ça va, les sujets. Allez, hop. Ah, on choisit encore les sujets? Évidemment, on choisit les sujets. Ah non, parce qu'avec Alex, on ouvrait au hasard le journal et puis on piochait au pif. Vous savez ce qu'on va faire? Non. Vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez fait avec Alex la semaine dernière, et on va faire exactement l'inverse. Ah, c'est bien, super, ça, d'accord. On prend une pause alors. Comment ça, on prend une pause? Ben oui, comme la semaine dernière, on a bossé comme des chiens vu qu'il n'en squatte pas une. Tu nous demandes de faire l'inverse, on va lever le pied. Ah, mais non, on va faire une super émission, vous allez travailler à fond. Ah, d'accord, en fait, t'es comme lui. Je suis pas comme lui, moi je suis une bonne patronne. Oui, bah c'est jamais bon le patronat. Ah, oui, ça, la gauche dans toute sa splendeur, évidemment. Moi je vais fumer une clope. Bon, maintenant ça suffit, on va reprendre le cours normal des choses. Toi, tu t'assieds ici, tu lis les quotidiens. Toi, là, tu lui tournes le dos, mais tu lis les quotidiens quand même. Je reviens dans 20 minutes, vous avez chacun trois sujets. Allez, hop, emballez, c'est possible. Oh bah d'accord, c'est bon. On va regretter Alex. Ah bah, je pensais jamais dire ça de ma vie, moi. Saloperie de patronat, tiens. Bonjour la France Inter, bonjour à tous et vive le MEDEF donc. Vous écoutez l'émission qui repeint l'actualité à la truelle. Et voici les trois informations qui vont passer par toutes les couleurs jusqu'à 18h. Ségolène Royal fascine encore la presse par son indépendance et son modus operandi. D'après Libération, elle fonctionne beaucoup dans la confrontation, même dans son propre camp, contre Fabius par exemple. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. Le football féminin est à la une aujourd'hui, enfin à la une en page 12. Mais les filles du PSG sont en finale de la Ligue des Champions. Il y a un très gros problème en défense. On va au-devant de très grands déconvenues. Francis Cabrel est de retour. Il a mis 7 ans pour écrire 12 chansons. Francis, est-ce que vous n'avez pas peur d'aller un petit peu trop vite? On a le temps. Faut prendre le temps de prendre son temps. Et pour faire des pâtés avec l'information, vous pouvez compter sur mon binôme, sur Alex Vizorek. Oh, je suis tellement content de retrouver ma place de numéro 2. C'est là que je suis le mieux. C'était un bonheur de vous remplacer. Je suis ravi que vous soyez de retour comme tous les auditeurs. Et pour vous accueillir, je vous propose un comité de premier choix. À 17h20, l'homme qui rêve de donner le prix Albert Londres à Bob Dylan et le Grammy Award à Edwy Plenel, puisque pour lui, l'actualité et la musique ne font qu'un. Le roi de l'actualisique, Thomas VDB. C'est bien moi, bonjour Alex. Bonjour Thomas, de quoi va-t-on parler? Eh bien, rock et agriculture aujourd'hui, puisque nous allons parler du chanteur canadien Neil Young qui vient de sortir un album entièrement contre le géant des pesticides Monsanto. Ce sens du teasing que vous ne perdez jamais. Et à 17h40, le journaliste le plus agaçant de sa génération pour les interviewer, mais aussi le plus jouissif pour les auditeurs, sorte de Zorro du micro qui n'avance même pas masqué, Guillaume Meurice. Ah bonjour Alex, je viens d'apprendre que j'étais journaliste, ça me fait plaisir. Alors moi je vais vous l'être plus que certains. Oui, c'est possible, c'est possible. On ne citera pas de nom, on n'est pas là pour parler de David Pujadas. Alors. Moi, je vais vous parler aujourd'hui du chômage et de l'histoire d'amour entre le gouvernement et le patronat. Que demande le MEDEF? On écoute le patronat, hein, parce qu'une histoire d'amour, c'est aussi écouter l'autre. Oh, chouchou, le blues du businessman. Oh, c'est mignon, je suis émue. Et si vous êtes émue aussi, eh bien dites-le sur les réseaux asociaux. Réagissez sur Twitter, hashtag annule tout, et devenez notre ami imaginaire sur Facebook. Allez, chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes né sous Giscard. Vous sortez diplômé de l'école de journalisme en 2000. C'est l'année où Peggy Boucher est la première femme à traverser l'Atlantique à la rame. femme. Première femme parce qu'il y en a eu d'autres. C'est étonnant. Parce qu'il y a des femmes qui s'ennuient. Et qui voilà. traversent l'Atlantique et à ben la rame. Voilà, voilà, c'est bon. Alors, vous publiez votre premier roman, J'ai oublié de la tuer, en 2004. C'est l'année du premier épisode de Plus belle la vie. Et puis, vous devenez chroniqueuse sur Paris Première dans Sa balance à Paris en 2011 quand Woody Allen réalise Midnight in Paris and You Are. Tristan Bannon. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est Tristan Bannon. Et sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Et qu'est-ce qui nous prouve d'abord que vous êtes Tristan Bannon, dans le fond? Pas grand-chose, mais j'adore Peggy Boucher, je ne me prononcerai pas sur les autres. Plus belle la vie, je ne sais pas trop quoi en dire. Alors, vous publiez Love, etc., Tristan Bannon, aux éditions de l'Archipel. Un recueil de chroniques qu'on a pu écouter en musique et en extrait sonore aussi sur France Bleu, qu'on peut toujours écouter d'ailleurs dans Un soir à Paris d'Olivier Daudet. On peut les entendre le mardi soir à 21h, et puis de façon plus aléatoire aussi, parce qu'il n'y a pas de rendez-vous fixe, mais il y avait oublié culture. Aussi, oui, tout au long de la semaine. Bah, c'est-à-dire que l'avantage que ce soit aléatoire, c'est que c'est vraiment quand j'ai un coup de cœur culturel. Ah. Et il y a des moments où il n'y en a pas, pas que la production soit inégale, je ne dirais pas ça. Mais parfois, elle est un peu moins bonne. Si par exemple, vous allez au spectacle de Guillaume Meurice, vous n'aimez pas, voilà, vous prenez congé le lendemain soir, par exemple. C'est un petit peu ça. Arriver. Mais quand je vais voir Alex Vizorek, ce que j'ai fait, j'en ai parlé. Non, très bon spectacle. Oui. Mais vous, Alex Vizorek, vous n'êtes pas dans les portraits. Mais oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dois être dans les rejetés. Alors pourtant, il y a Nicolas Bedos, Éric Nolot, Karl Lagerfeld. Et puis, il y a des portraits jamais diffusés. Il n'y en a pas beaucoup. C'est les portraits qui sont plus personnels. Il y a votre maman, notamment. Ou il y a Isabelle Giordano, par exemple. Avec qui j'ai travaillé dans ses murs. Mais oui, sur France Inter. Alors, pourquoi ces portraits pas diffusés? Écrit spécialement pour le livre, pour pouvoir aller au-delà des chroniques? Non, pas du tout. Je ne pensais pas du tout faire un livre au début. C'était surtout que je m'interdisait à la radio de parler de gens que je connaissais. Pour plusieurs raisons. D'abord, pour qu'il n'y ait pas de problème d'amitié ou quoi que ce soit. De conflit d'intérêts. Voilà, il y en a trop souvent. Et ensuite, pour une raison plus juste pour ma paix intérieure, c'est que j'avais pas envie d'avoir des amis qui me disaient « Attends, moi je fais un spectacle, je voudrais bien que tu fasses une lecture moi. » Voilà, problème réglé, je ne parle pas de ceux que je connais. Mais alors, pourtant, vous avez ajouté des portraits. Par exemple, il y a celui d'Isabelle Giordano qui est très élogieux parce qu'on sent que vous l'aimez beaucoup et avec laquelle vous avez travaillé sur Inter. Et on apprend à cette occasion que vous avez pris votre douche du matin avec Nicolas Demorand, puis avec Patrick Cohen, que vous avez longtemps fait des pâtes le dimanche soir. Parce au rythme que vous des n'écoutiez pas France Inter. Ben, pas forcément. Les images, hein, pas forcément. Bah, je prends une douche tous les matins, je suis navrée, Guillaume Meurice, vous faites ce que vous voulez, mais bon. Au risque de foutre la merde sur cette antenne, lequel des deux est le plus agréable sous la douche? Demorand ou Cohen? J'aimais beaucoup la matinale de Demorand, j'ai eu beaucoup de mal à me faire à celle de Patrick Cohen, et aujourd'hui j'aime beaucoup celle de Patrick Cohen. Alors là, vous êtes disputé avec personne, vous êtes pas envie. Non, parce que c'est vrai, c'est rare une Française qui dit du bien, c'est-à-dire que vous devez choisir. Est-ce que c'est plus difficile de choisir quelqu'un et de lui faire des compliments que de le défoncer? C'est beaucoup plus difficile, parce que défoncer quelqu'un, ça a l'air étrange, mais en fait c'est facile. On a tous des défauts, on a tous des problèmes, on a tous... D'ailleurs, il suffit de voir sur les réseaux des gens qui me défoncent, il y en a un certain nombre, donc comme quoi ça doit être facile. Mais c'est surtout que dire du bien. D'abord, c'est compliqué de le dire sans que ça ait l'air d'être de la flagornerie, et de façon à ce que ça ressemble à ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on pense vraiment. Et ensuite, ceux qui n'aiment pas la personne dont vous allez parler, vous le pardonnent beaucoup moins. Alors que de défoncer quelqu'un, si vous avez un ami qui l'aime bien, ça ne va pas le déranger parce que c'est dans l'air du temps. Moi, ça m'est arrivé de dire du bien de gens ou des amis, le lendemain m'ont passé des savants. Mais vous choisissez aussi des exemples presque difficiles à traiter. Prenons Valérie Trierweiler, elle a été très très controversée. Je choisis, d'abord j'ai pas choisi des exemples, c'est des vrais coups de cœur, oui, à des moments. Bien. Et Valérie Trierweiler, je précise d'ailleurs dans la lettre que, et d'une, on a travaillé ensemble il y a très longtemps, et deux, ça n'était pas une amie, et trois, elle m'en a pas donné l'envie. Maintenant, au moment où je fais cette lettre, il se passe quelque chose qu'on a tous vécu dans sa vie, qui fait que je me suis sentie touchée et aussi exaspérée par toutes les personnes qui se sont permises de juger sa réaction à ce qui était quand même un affront peu commun. Donc, et ça m'a beaucoup fait rire parce que c'est notamment venu de gens qui, quand ils ont subi des affronts à peu près équivalents à plus petite échelle, ont fait des choses bien pires. Il y a notamment un portrait, j'appelle ça des portraits. Ah ben on peut oui, dire des portraits amoureux, oui, oui, tout à fait. De Jacques Chirac, vous l'aimez bien, hein. Vous dites beau Jacques. mais il était beau, c'est vrai. Beau Jacques, ce qui me manque, c'est avec ton allure de grand dadé, l'amour que tu avais des Français. Et là, est-ce que l'amour vous rend pas un peu aveugle? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez développer derrière l'allure de grand dadé? J'adore. Je vais vous lire l'extrait petit ensuite. Bonnet. Parce que vous dire, bon, faut qu'on te le dise, rarement on te croyait, on savait que tu nous mentais. Mais je te le répète, Dadé, tu nous aimais, alors c'était pas comme se foutre de nous, c'était un peu nous, comme nous protéger de tout et nous on te pardonnait. Là, là, alors là, l'amour rentre un peu quand même. Est-ce que vous connaissez cette célèbre boutade qui dit que. Ça vole en escadrille, non. Non, que. Ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Non plus. Quand Chirac est arrivé au pouvoir, il nous a presque fait oublier Mitterrand. Quand plus tard Sarkozy est arrivé, on en a presque regretté Chirac. Quand Hollande est arrivé, on en a presque regretté Sarkozy. Maintenant qu'Hollande est là, qui nous le fera regretter? Bah, du coup, je trouve Chirac, qu'il était pas mal. Il était plutôt beau gosse. C'est le portrait de Tristan Bannot dans Love, etc. C'est aux éditions de l'Archipel. Allez, qu'est-ce qu'on dit musique à cette heure-ci? Vous n'avez rien oublié dans le lancement. Oui. Vous êtes non, au top. Rien. C'est, rien ah perdu. Oui, c'est REM, c'est ça. Voilà, je me demandais ce que c'était, mais c'est Shiny Happy People. Shiny Happy People dans le livre de Tristan Bannot, parce que vous êtes gentil dans votre livre. Les portraits, généralement, c'est pour dézinguer. Et là, une fois n'est pas coutume. Eh ben, ah non. Vous êtes bien sûr France Inter et autour de cette table. Que les meilleurs. Avec... Thomas VDB qui prépare son jingle, qui élastique son jingle, on peut le dire, parce qu'il va briller dans quelques minutes. Guillaume Meurice. Je n'explique rien du tout, moi, je vous remercie. Oui, mais c'est un verbe comme un autre. Oui. Et vous êtes avec nous, hashtag annule tout sur Twitter, et vous pouvez nous voir, astiquer les jingles, sur franceinter.fr. Bon, oui, mais voilà. ça a mal tourné, ça fait une semaine qu'on n'est pas là. On me dit que le cours de Pernod Ricard remonte. Allez, on a, vous avez astiqué la presse. Mais bien entendu. Oui, on va faire ça. Parce que là, on va être à deux. Je vous préviens, on est à deux. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire ? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Agnès Salle, l'actuelle directrice de l'INA, donc celle qui a succédé à Mathieu Gallet, aurait dépensé 40 000 euros de frais de taxi en 10 mois, dont 7 000 euros d'abonnement à la compagnie G7. Par ailleurs, on ne connaît pas encore le montant exact du changement de revêtement des sièges à l'arrière de chaque taxi. Alors, 40 000 euros de taxi, c'est Uber beaucoup. Oui, surtout qu'elle avait un chauffeur quand même. Oui, le type qui était ravi d'apprendre qu'il a perdu 40 000 euros, elle aurait pu les utiliser. En tout cas, j'espère qu'à l'INA, ils archivent aussi les meilleurs dépenses de leurs dirigeants. Passons à la politique. Marine Le Pen veut priver Jean-Marie de discours lors du traditionnel rassemblement du 1er mai devant la statue de Jeanne d'Arc, place des Pyramides à Paris. Ouais, mais ça va être chaud de lui confisquer le micro. Hein. Il suffit de donner rendez-vous à Jean-Marie au pied de la statue de Jeanne d'Arc, mais celle du boulevard Saint-Marcel dans le 13e. C'est voilà. Assez malin. Et vous savez qu'il n'est pas facile à avoir, hein, le père Jean-Marie, parce qu'il ouvre l'œil et là bon. Hein. Oui, et le seul. C'est vrai. Voilà. Gouvernement à présent. Oui, les chiffres du chômage tombent ce soir à 18h. Ainsi que la cote de popularité de François Hollande. Passons à de l'Élysée à Matignon. Matignon demande des économies aux différents ministères. Les lettres de cadrage sont parties ce week-end. Oui, alors déjà, ça aurait été plus économique d'envoyer un email de cadrage plutôt qu'une lettre de cadrage. Passons à la droite. L'ancienne ministre dont on ne sait plus trop quoi, Nadine Morano, se prononce pour l'interdiction des imams qui ne maîtrisent pas la langue française, car selon elle, on est dans une forme de guerre. Donc si on comprend bien, elle est pour que des imams qui prêche le djihad puisse le faire en français correct, de façon à être mieux compris par les jeunes. Ce serait pas arrivé, ce qui est arrivé la semaine dernière, elle va se tirer dans le pied. Elle a fait une estrosite, oui. La petite Nadine. Et pour terminer, une info de la Voix du Nord, Alex. Oui, le maire d'Arras, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, était en voyage en Nouvelle-Zélande et il a rencontré Peter Jackson, réalisateur du Seigneur des Anneaux, et ce dernier lui aurait dit qu'il viendrait bientôt à Arras. Ah, pour visiter ? Mais non, je pense que comme le film, le type tourne des films de science-fiction avec des personnages étranges. Il s'est dit qu'en tournant dans le Nord-Pas-de-Calais, le budget effets spéciaux et maquillage serait nettement réduit. Mais Alex, vous ne pouvez pas dire ça parce que je vous rappelle, on est belge. Oui, bah, si, c'est pour ça que je le dis, parce que quand Peter Jackson va voir les films des frères Dardenne, portera plainte pour plagiat. Allez, nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on repeint l'actu du sol au plafond. Premier sujet avec vous, Tristan Bannon, Ségolène Royal. Elle fascine encore la presse apparemment, il y avait tout un dossier ce week-end dans Libération. Pour expliquer qu'elle fait moins de vagues que prévu finalement, mais qu'elle fonctionne beaucoup sur le mode de la confrontation. Oh, regardez-moi ça! Oh mon Dieu tout puissant! Envoie-moi des grenouilles! Des taux, des sauterelles! N'importe quoi, mais pas elle! Comparé à vous, les diplés d'Égypte, c'est le bonheur! Excusez-moi, je suis désolée, c'était un accident. Alors Tristan Bannon, quelle image vous avez aujourd'hui de Ségolène Royal? Est-ce qu'elle vous fait bonne impression? Et vous comprenez qu'elle fascine? Je ne sais pas si elle fascine, mais quoi qu'on pense de Ségolène Royal, c'est une personnalité. Et je pense que son gros problème, c'est qu'elle est dans un parti qui est une machine à broyer les personnalités. On ne peut pas être une personnalité au Parti Socialiste. D'ailleurs, il suffit de regarder, historiquement, il n'y en a pas eu qui ait survécu bien longtemps. Donc forcément, elle se fait désinguer. Forcément, elle se fait désinguer. D'ailleurs, dans leur couple à l'époque avec François Hollande, elle était la personnalité et il était le type bonhomme qui sourit à la presse, qui était sympathique et qui maintenant est président. Dire que votre voix sur le thème du PS est d'autant plus peut-être intéressant que votre maman y est... Est une personnalité. Est une personnalité du Parti Socialiste. Non, mais c'est vrai, parce que vous... Donc, elle s'est fait broyer par le Parti Socialiste. On peut en parler. C'est-à-dire qu'il faut le rajouter. Mais alors, donc, votre maman, mais alors, dites-nous, en ce moment, elle est plutôt à la gauche de la gauche, au centre de la gauche ou à droite de la gauche? Parce que nous, on est perdus. Ou frondeuse comme sa fille. Quand on est comme ça en famille, est-ce qu'on se dit, bon, il va falloir que je me repositionne maintenant, quand on est au PS? C'est-à-dire qu'elle a été soutenue par le Parti Socialiste lors des dernières élections. Et pas que de bol. Voilà, et que c'est-à-dire en bonne candidate soutenue par le Parti Socialiste, elle s'est fait laminer par le Front National, quoi. Logique. Finalement, elle aurait mieux fait de rester frondeuse. Alors, Ségolène Royal, est-ce que ça pourrait être le personnage d'un roman politique ou est-ce qu'elle pourrait faire partie, tiens, des portraits dans Love, etc. Ce aussi que vous faites sur France Bleu. Ah, je pense qu'elle aurait pu être dans les deux. C'est un personnage de roman. D'ailleurs, il y avait eu un merveilleux roman. Je ne sais plus qui avait fait ça. Un académicien qui avait fait un très beau roman sur elle et une lettre. Oui, mais c'est le genre de personnage que je n'aime pas suffisamment entièrement pour faire une lettre s'il ne se passe pas quelque chose. Il faut qu'il y ait un moment où je trouve que j'aurais pu faire une lettre sur elle au moment où son ancien compagnon est passé président et n'a pas estimé bon de lui donner ne serait-ce qu'un sous-secrétariat d'État. Là, ça m'a perturbée parce que je trouve qu'elle avait fait le job, vraiment. Mmh. Elle avait fait sa campagne, elle avait tout fait. Pourtant, elle avait quelques couleuvres. Et maintenant, elle est numéro 3 quand même. Maintenant, oui. Bah, oui. Et il ne l'a pas fait peut-être à cause de quelqu'un que vous défendez beaucoup dans le livre. Mais clairement, mais à un moment donné, on est président, on s'achète une capacité à taper du poing sur la table quand même. C'est-à-dire... En tout cas, celui qui a fait une semi-déclaration d'amour à Ségolène Royal, c'est Laurent Geoffrin. Dans son éditorial ce week-end dans Libération, il dit « Royal est l'une des rares dans le bestiaire politique qui a un sens très sûr de l'opinion populaire, quitte à bousculer le prêt-à-penser. » Voilà. Il l'a presque fait... Alors Lolo, qu'est-ce qui se passe, Lolo? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il dit aussi que c'est une énarque qui déteste les technocrates, ce qui est assez vrai, en tout cas, de loin. De ce qu'on en voit, voilà, de ce qu'on en voit, oui. Voilà. Et alors, et sur ces propositions qui sont parfois... peuvent paraître un peu loufoque. Alors, on l'a dit culottée, travailleuse. Elle a proposé à un moment de rendre les autoroutes gratuites le week-end, ce qui est quand même... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on veut dézinguer quelqu'un, de toute façon, on trouve toujours. Oui, évidemment, elle nous tend la perche, là, voilà, quand même. Voilà, c'est, hein, ça, c'est ça. Non, mais évidemment, moi, je ne suis pas une pro-royaliste devant l'éternel. Mais je trouve que c'est une vraie personnalité, que ça fait du bien dans le paysage politique. D'ailleurs, vous n'aurez rien à dire s'il n'y avait pas des personnalités comme elle. Ah, ben, bah, on n'aurait pas d'émission. Bah, voilà, non, c'est ça. Si on garde le reste du Parti Socialiste, il n'y a plus d'émission. C'est tout ce que j'ai. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais grâce aux propositions de Ségolène Royal, parce que la prochaine, s'il y a les autoroutes gratuites le week-end, alors heureusement, on n'y est pas arrivé, elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une connerie. Alors qu'elle est ministre de l'écologie, c'est ça? Ouais, ouais, bah oui, c'est ça, parce que ça incitait quand même les gens à dépenser du carburant le week-end. Oui. Autant faire des happy hour à la pompe, après. Moi, je veux bien faire conseillère de Ségolène. Toutes les conneries qu'il y a à faire, je suis là. En parlant stratégie politique, parce que là, elle est ministre, pas le ministre le plus important. Notez qu'il y a quand même la conférence climat qui arrive et donc elle va devenir importante. Est-ce qu'elle fait une petite halte pour se dire « je vais redevenir la numéro un de mon parti et j'ai les épaules et le peuple, enfin le peuple socialiste, même suffisamment ». Est-ce qu'elle est dans cette stratégie-là? Je suis pas dans sa tête, mais je crois qu'elle est suffisamment intelligente pour voir surtout qu'il y a une grosse vacance en termes de poids lourd qui représente la tête du Parti Socialiste. Ça, clairement, elle est intelligente, elle est énarque, même si elle est contre les technocrates, c'est quand même quelqu'un qui a fait des études. Elle se rend bien compte qu'il y a comme un désert, c'est le désert de Gobi quand même là-haut, donc bon... Évidemment, qu'elle doit viser la chose. On n'est pas exclu qu'elle se place, quoi, c'est ça. Eh oui, comme Jean-Vincent. On n'est pas exclu que ce soit une femme, mais qu'elle ait de la jugeote. Ah, oh là, mais alors là, il n'y a aucune misogynie. Ma patronne est une femme. Vous, eh oui. Ah bon? Mais oui. Je me disais aussi. Et on aura l'occasion d'en reparler avec le foot féminin tout à l'heure. Ah, là, il y aura des blagues misogynes, je les annonce déjà. Il a une part de féminité derrière sa voix fluette. C'est vrai, hein? Oui, c'est Thomas Day-Bay. C'est bien lui. Évidemment, et bienvenue à tous. Et puisque vous savez peut-être, Christine, si vous écoutez l'émission, que de la musique et des actualités, c'est la page actualisique de Thomas VDB. Voilà, bon, ça c'est pas grave. Il était très très bien astiqué ce jingle, excusez-moi. Je suis astiqué depuis plusieurs heures. Alors, il faut savoir que cette semaine, on a appris que le chanteur canadien qui s'appelle Neil Young allait sortir son 34e album. Alors, pour ceux qui connaissent pas Neil Young depuis les années 70, c'est un peu le pape du folk rock. Et ce nouvel album qui sort s'appelle The Monsanto Years. C'est un album dans lequel Neil Young se dresse contre Monsanto, le géant américain des pesticides. Alors, tous les morceaux de l'album sont entièrement basés autour de l'univers des pesticides. Voilà, que Monsanto verse négligemment dans ses produits. Alors, on pourra retrouver les titres Fuck You to the Gluten, Your Aspartame, it Tastes Like Shit. Et puis Motherfucking Wheel de Palm. Bon, il y aura vraiment tous ces classiques. Alors évidemment, il faut savoir que dès qu'il a annoncé la sortie de ce disque, la nouvelle a été reprise partout sur les sites d'infos de musique. C'est sûr que si vous êtes chanteur et que vous voulez vous engager derrière une cause, vous avez tout intérêt à choisir un thème porteur. Hein, les OGM, c'est un thème porteur. Je sais pas si vous avez entendu parler du problème des cadenas sur le pont des Arts. Oui. Voilà. Vous savez qu'il y a des couples d'amoureux qui vont accrocher sur le pont des Arts à Paris des cadenas. C'est quand même assez enquiquinant. Eh bien, le chanteur Phil Barnet a décidé de faire un comeback avec un album où il tape du poing sur la table, où il dit vraiment tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Un véritable pamphlet contre le problème des cadenas au pont des Arts. Malheureusement, ce problème ne concerne qu'une minorité de gens et l'album ne s'est écoulé qu'à 11 exemplaires. Alors, c'est pas étonnant aujourd'hui que Neil Young s'engage contre Monsanto dans le sens où il a toujours eu des préoccupations agricoles. Un de ses albums les plus connus s'appelle Harvest. Et Harvest, en anglais, ça veut dire récolte. Donc on peut dire qu'au moins, en faisant un album contre Monsanto, Neil Young est un chanteur cohérent. respect. Hein, c'est un peu comme Marc Lavoine. Marc Lavoine, tout à l'heure, je l'ai vu arriver à la radio tout à l'heure. Voilà, il venait pour une émission, il était en voiture. Pourtant, il y avait plein de places libres autour de la maison de la radio. Eh ben non, il a fait un détour exprès pour aller se garer sur le parking des Anges. J'ai dit, Marco, pourquoi tu ne te gares pas plus près? Il dit, j'aime bien me garer là-bas parce que plus rien ne me dérange. Voilà, voilà, Marc Lavoine, quelqu'un qui est aussi un chanteur cohérent. Alors, d'ailleurs, Neil Young, lui, il n'en est pas à son premier coup de gueule contre Monsanto, puisqu'il faut savoir qu'il y a 6 mois, il a appris que Monsanto, justement, venait de s'associer à la chaîne de café Starbucks, et il avait du coup appelé au boycott de Starbucks dans un morceau. C'était donc un morceau contre une marque de café. Alors, c'est quoi le contraire d'un morceau contre une marque de café? C'est, par exemple, « I got a lot of shit on people !» Un morceau pour une marque de café. « I try to remember when life was so tender. » Voilà, c'est exactement le contraire d'un morceau contre une marque de café. Alors, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, donc, c'est quel peut bien être l'impact d'un tel message, d'un tel disque contre le géant Monsanto? Moi, j'aimerais bien croire que quand ils ont entendu parler de l'album de Neil Young, les gens de Monsanto, ils soient dit, bon, ben les mecs, on n'a plus qu'à fermer la boîte là. Franchement, on est mal. Le mec, il sort 10 chansons contre nous. On est obligé de fermer. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. L'impact de la nouvelle de la sortie du disque n'a pas encore eu l'impact escompté. Donc, dans le Dakota du Nord, je sais qu'il y a bien un agriculteur qui s'appelle Harvey Williamson qui allait fermer son champ de colza en soutien à la cause défendue par le chanteur. Mais voilà, je sais pas, ça va bien faire bouger les choses, mais c'est un début. La cotation de l'action Monsanto n'a pas vacillé d'un iota, puisqu'après une ouverture en baisse vendredi matin, le Dow Jones a repris du poil de la bête en gagnant 0,12%. Le Nasdaq lui a fini en beauté, puis il a encore gagné 5,08 points. Monsanto, du coup, a accéléré son programme de rachat d'actions, puisque les dividendes du Dow Jones et du Nasdaq avec des actions de Jean-Pierre Gaillard. Eh bien, c'est la fin de cette chronique actualisée. Je crois qu'il manquait un verbe dans cette dernière phrase, mais c'est pas grave, on se retrouve dans 2 jours. Merci à tous. Merci Thomas VDB. On est jusqu'à 18h en compagnie de Tristan Bannon, qui a tout annulé pour parler de foot féminin ensuite avec nous. Okay. Est-ce que t'as bu tout ce qu'on m'a dit, tout ce qu'on m'a lu? Est-ce que t'as pris tout le martini, tout le Malibu? Hey, hey oh, ok. C'était Luce Malibu, c'est sur la playlist France Inter et donc on espère qu'on va pas revenir en grève pas tout de suite parce que Luce 48 fois par semaine, je sais pas si on va y arriver. Sympathique comme morceau. Ah, la technique, Raphaël Rousseau, Jean-Noël Vélan. Bon voilà, c'était au passage, hein, parce que bon, des fois, voilà, ça fait du bien. Nous sommes en compagnie de Tristan Bannon, qui est beaucoup plus gentil que nous, d'ailleurs, dans son livre. Que vous, vous êtes en Love... vacances, vous avez la patate. Love, etc., publié aux éditions L'Archipel. Et autour de cette table, Thomas VDB et Guillaume Meurice, qui se préparent à commettre un méfait, bien sûr. Oui, tout à fait. Je vois dans votre œil torve. Qu'est-ce que vous préparez ? C'est maintenant, vous voulez que je vous le dise non, tout de suite ? Non, pas maintenant, c'est un pour teasing. Après. Très bien, très bien. Alors, je prépare un petit reportage sur le chômage. Ah, j'ai appelé mes amis du MEDEF. Ah, voilà. Reportage bien astiqué. Accrochez-vous. Alors, Tristan a travaillé ses dossiers. Ah, donc, on va vous lancer sur le deuxième sujet. France 2 va diffuser la finale de la Ligue des Champions. Waouh ! Oui, de la finale de foot féminin. Oh ! Allez, ça va. Si, je vous ai entendu derrière le poste faire. Et pourtant, le foot féminin fait beaucoup d'efforts pour être reconnu. Mais dans le championnat, vous en êtes où ? Bon, on est mal, hein. 9e sur 10. Le club peut disparaître, hein, d'autant plus qu'à la mairie, ça arrangerait pas mal de monde de nous sucrer de la subvention. Tu comprends ? Ils ont mis le paquet sur le club tricot. Tout ça parce que l'an dernier, ils ont fait une écharpe de 12 km pour le Téléthon. Alors, tu peux pas lutter. 12 km ? Bah ouais. Isabelle Nanty dans 3-0, film de Fabien Antoniente. Alors voilà, France 2 va diffuser, ce sera le 14 mai, la finale de la Ligue des Champions, qui se déroulera au Friedrich-Ludwig-Schaan-Sportpark de Berlin. C'est ce que j'en ai mis un peu sur le micro. Et une finale qui opposera les joueuses du PSG à celle de Francfort, donc du foot féminin sur France 2 entre 18h et 20h. Ah, vous me rassurez, c'est pas en prime time, c'est en access. Pourquoi vous me rassurez ? Non, parce que j'étais très surpris qu'ils mettent du foot féminin. Déjà, à 18h, ouais. c'est pas mal du tout. Je voudrais bien vous y voir, Alex, face aux filles du PSG. Ah, mais alors, c'est pas du tout le problème. Mais je trouve le risque de France 2 de mettre... Mais cela dit, il y a un engouement. Et c'est super. À mon avis, ils ne s'y attendaient pas eux-mêmes, hein, à voir la fille. Honnêtement, je crois que quand ils ont acheté les droits, ils ont dit bon, ça coûte pas cher, on mise là-dessus, mais bon. C'est la présidente, hein, tout de suite, elle met sa patte et dit on va avoir des filles en short et puis c'est et tout. Et puis c'est toujours bien de se mettre bien avec le CSA. On les embrasse. Qui, on le rappelle, oui. A organisé une journée sur le sport féminin et on le salue. Qui sont des gens formidables, c'est formidable. Ça. On les aime beaucoup, on les embrasse très très fort. On leur fait des câlins. Plein d'initiatives formidables. figurez-vous que c'est toujours le foot féminin qui détient le record historique d'audience, pourtant sur une chaîne de la TNT. C'était la demi-finale de la Coupe du Monde féminine 2011, France-USA. Eh ouais, donc déjà sur Direct 8 à l'époque, ça avait captivé 2,3 millions de téléspectateurs. Donc Laquelle voilà. chaîne diffusait donc l'émission de Valérie Trierweiler, dont nous parlions tout à l'heure. Voilà. Tristan Bannon, alors on vous connaît un peu féministe. C'est une avancée majeure, ça, du foot féminin sur France 2 à 18h le 14 mai. Non, c'est une avancée majeure qu'elle soit arrivée jusqu'en finale. Ah oui, que c'est ce... Que, 1-0, Tristan Bannon, 1, Panounaker 0. Si. Non, mais c'est-à-dire que c'est compliqué de parler du foot féminin parce que, évidemment, que quand on est en dessous des 4 premières du championnat, on n'a pas le même spectacle que chez les mecs. Là, on est d'accord, Alex. Non, mais je vous dirais qu'il y a des matchs de milieu de classement en Ligue 1 qui ne sont pas passionnants à regarder non plus. Non, mais ça va plus vite, c'est plus puissant, c'est tout ça. Ça, on est d'accord. Maintenant, l'exploit qu'elles viennent d'accomplir face à Wolfsburg, c'est honnêtement, elles sont balèzes les meufs. Quoi. Elles ont marqué, si on additionne le match aller et le match retour, elles ont marqué 3 buts contre cette équipe qui en a pris 3 sur tout son championnat en Allemagne. Mais dis donc, vous pourriez commencer ces matchs. Je suis à fond le foot féminin en fait. Mais en même temps, je vous signale que j'attends quand même un enfant d'un ancien joueur du PSG. Il y a des obligations légales qui vont avec. C'est-à-dire. La question s'impose, qu'est-ce que l'ancien joueur du PSG homme pense de Alors, du PSG il suit beaucoup. Femme Il suit beaucoup, particulièrement cette équipe du PSG, qu'il aime beaucoup, parce qu'il trouve qu'il y a des vraies personnalités. Elles sont très fortes, elles ne lâchent rien. C'est-à-dire que, par exemple, justement en demi-finale, là, au match retour, jusqu'au bout, elles se sont battues comme des chiennes. Et c'est grâce à ça qu'elles ont réussi. Elles ont un côté, elles n'ont rien à perdre. C'est vrai que c'est pas exactement la même chose que chez les mecs qui, parfois, quand ils voient que c'est plié, ils laissent tomber. Là, jusqu'au bout, elles se battent, elles en veulent. Elles sont pas phagocytées aussi par la pub, par tout ça, qui leur met une pression pas possible. Et elles sont elles encore dans l'enthousiasme. Jouer, non, mais ça, voilà, elles sont dans l'enthousiasme, elles sont heureuses. Là, elles vont aller, il y a la Coupe du Monde en juin au Canada. Elles sont super contentes. En plus, elles ont toute leur chance. Ça ramène une fraîcheur et une authenticité dans le football, c'est ça que vous voulez dire? C'est-à-dire que c'est compliqué de comparer un football masculin où, même s'il faut énormément énormément de talent. On peut dire football et puis football féminin. Comme ça, on a bien la distinction entre les deux sports. Mais là, par contre, j'ai une remarque que je voudrais faire. Ce serait quand même fou le prince du Qatar qui va rentrer. Il va dire alors, ça se passe bien au PSG ? Il va dire ouais, on a gagné, mais côté féminin. Il va se faire engueuler quand même le Qatari. Mais on peut pas comparer. On peut pas comparer. Le Qatari, quand même, où on sait comment sont traitées les femmes là-bas, en fait, c'est son équipe féminine qui va faire mieux que son équipe masculine. Non, d'abord, c'est un super message. L'équipe masculine, elle est quand même en train de préparer un quadruplé. Hein, donc, la Ligue des Champions. Ah, oui, mais contre Sochaux, contre Barcelone, elle s'est fait un peu plier. Contre Barcelone, elle s'est fait plier. En même temps, c'est sous pavillon Qatari, justement, elle est assez récente, cette équipe. C'est en général, pour gagner une Ligue des Champions, il faut à peu près 10 ans. On va leur laisser le temps. Hein. Elles s'en sortent déjà pas mal, je trouve. Elles ont battu Chelsea alors que l'an dernier, ça s'était pas passé. Je suis larguée. Attendez, est-ce que la vraie avancée, est-ce que ce serait pas qu'un jour, il y ait des équipes mixtes hein comme aux élections départementales. Des équipes mixtes, ce serait compliqué. Non, ça existe au tennis. Il y a un sport, c'est le korfball, qui est une espèce de basket. Et les Hollandais sont très bons. Et dans l'équipe, il y a genre 3 filles, 3 hommes, et c'est obligatoire. Et donc, c'est les filles qui tiennent le panier. C'est le panier sans. Un tir d'Ibrahimovic face à une gardienne féminine. Je sais pas pourquoi, mais ça ressemble à une boucherie quand même c'est dans l'idée. Donc pour vous faire une idée, donc le 14 mai sur France 2. Et jusqu'à présent, seule France 4 avait diffusé des matchs de football féminin et de rugby. On ne saurait que trop vous recommander France 4, qui est une excellente chaîne. France 4, d'ailleurs, qui diffuse n'importe quoi ces temps-ci, si je ne me trompe pas. Ils vont tomber à l'eau, puisque oui. Demain, c'est l'émission que vous présentez avec des chroniqueurs tels Thomas VDB, Guillaume Meurice et moi-même. Je vous demande de vous arrêter. Hélène Roussel, voilà. Donc on ne fera pas de publicité. Parce que ça va nous engueuler, tout ça. C'est sur France 4 demain à 20h50. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de commencer votre reportage, Guillaume Meurice, avant qu'on vous retrouve demain, bien sûr, sur France 4. On n'est pas là pour faire de la publicité pour cette émission qui s'annonce formidable. Moi, je vais vous parler. On se croirait chez Frédéric Lopez, quand même. C'est vous qui écrivez des bouquins pour dire que tout le monde est beau. C'est lui qui nous a formés, Guillaume et moi. Ouais. Ah oui, ça s'entend. Alors moi, je vais vous parler d'amour et de chômage aujourd'hui. Alors pour expliquer à Alex, d'abord, l'amour, c'est un peu comme avec les filles que vous fréquentez, pardon, sauf que normalement, c'est gratuit. D'accord, ok. Et le chômage, pour vous expliquer aussi, Alex, c'est ce qui risque de vous arriver si vous continuez à faire passer vos escapades au Bois de Boulogne en note de frais. Hein, d'accord, je vous le dis. Hein, si vous continuez, vous risquez de rejoindre les millions de chômeurs. On aura le chiffre exact à 18h. Mais pour lutter contre le chômage, les patrons ont une solution. Faciliter le licenciement. Et oui, c'est logique. Hein. Enfin, c'est la logique de patron. N'est-ce pas Jean-Pierre Rivéry du MEDEF du Morbihan ? Embaucher, débaucher, ça doit être aussi facile que dans certains pays. Il faudrait que ce soit plus facile de licencier ? Oui, d'embaucher, débaucher, mais je dis bien les deux en fait. Hein. Ah, vous dites pas licencier, vous dites débaucher, vous ? Non, embaucher des personnes, ou comment se séparer de personnes, ces activités sont moins bonnes. Voilà, on ne dit pas licencier au MEDEF, attention, on dit débaucher. De même, on ne dit pas salaire, on dit coût du travail. De même, on ne dit pas une semaine aux Maldives, tout frais payé par la boîte, mais symposium sur les risques globaux liés à la conjoncture structurelle de l'outre-mer. Ça n'a rien à voir, hein. Les patrons ont peur d'utiliser des mots simples, mais ils n'ont pas peur que de ça. N'est-ce pas Emmanuel Brézia du MEDEF de l'Isère ? Si vous supprimez la peur de l'embauche, vous créez de l'emploi. La peur de l'embauche ? Oui, parce que pour beaucoup de petites entreprises, recruter quelqu'un, c'est une prise de risque importante. Mais alors, si les entreprises ont peur des embauches et que les ouvriers ont peur des licenciements, tout le monde vit dans la peur ? Oui. Youhou ! Une bien belle vision de la société française qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. Alors lui, il m'a complètement foutu les jetons. J'avais pas autant flippé que depuis qu'on m'a annoncé qu'Ariel Dombal existait pour de vrai et que ce n'était pas juste un personnage en plastique destiné à faire peur aux enfants. Mais bref, il y a pire qu'Ariel Dombal. Hein, pour faire peur au MEDEF, il y a le fonctionnaire. Eh oui, ils sont partout les fonctionnaires. Il y en a trop, n'est-ce pas Jean-Pierre Barbet, président du MEDEF d'Haute-Saône-et-Loire ? Trop de fonctionnaires ? Ah bah oui, trop de fonctionnaires, oui. Mais oui, mais si on licencie des fonctionnaires, ça va encore faire augmenter le chômage ? Bah, cherchons l'erreur ensemble. Est-ce que pour un travail, il y a effectivement pas trop de fonctionnaires. Ah, ça veut dire qu'un fonctionnaire et un travail, c'est différent. Voilà. Voilà, donc on salue toutes les infirmières, les professeurs, les policiers qui nous écoutent, ce qui prouve bien d'ailleurs qu'ils n'ont rien d'autre à foutre que ça. Bon, ça ne règle pas notre problème. Que faudrait-il que le gouvernement fasse pour faire baisser le chômage ? Demandons à Christophe Dumaire, du MEDEF Champagne-Ardenne. Qu'on arrête de penser pour le bien des entreprises, pour qu'elles puissent enfin produire et avancer. Mais alors, attendez, vous dites qu'il faut arrêter de penser pour le bien des entreprises. Ouais. Et pourtant, vous reprochez à Manuel Valls de penser pas pour le bien des entreprises. C'est un peu paradoxal. Non, mais on peut vouloir du bien aux entreprises. Sauf qu'on crée des usines à gaz qui empêchent les entreprises de fonctionner. Ah, mais peut-être, mais une usine à gaz, mais une usine quand même. Et une usine, c'est quoi? Eh ben, c'est une entreprise. Eh ben, voilà. Eh ben, je suis désolé, moi aussi, je peux être autant de mauvaise foi que le MEDEF. Bon, alors, ok, on se chamaille autour du chômage. Et vous allez me dire, on n'a pas encore parlé d'amour. Ah. J'y viens. Rappelez-vous. Et moi, j'aime l'entreprise. J'aime l'entreprise. Oh, c'est beau. Vous vous rappelez tous les patrons debout, une ovation. Rien que d'en parler, regardez, ça me fout les frissons. Ah non, ça doit être la clim du studio qui est mal réglée, je pense. Bref, Manuel Valls aime l'entreprise. Retournons voir Christophe de Champagne-Ardenne. On a beau nous dire qu'on nous aime, mais on ne nous croit pas. On ne nous croit pas quand on dit que ça va pas. Mais pourtant, il vous fait des cadeaux, Manuel Valls. 20 milliards, le pacte de compétitivité. C'est un beau cadeau, c'est une belle bague, ça c'est une belle preuve d'amour. C'est juste rendre... une partie de ce qui nous a été pris. Ah, vous êtes exigeant en amour quand même. Hein. Non, on demande qu'on nous laisse tranquille. On demande de pouvoir travailler tranquillement et pas de se faire imposer des règles d'amour. Oh, chouchou, des règles d'amour. Il ne veut pas se faire imposer des règles d'amour. Le MEDEF veut un amour libre. Comme vous, en fait, Alex. Hein, sauf que lui, il veut même pas payer, en plus. Il est difficile en amour, n'est-ce pas, Christophe? Il faut des preuves d'amour. Il vous aime pas assez. Il vous aime pas comme il faut. Non, mais dans le sens... On nous annonce une loi Macron 1 et une loi Macron 2, alors que même que la loi Macron 1 n'est pas encore sortie. Bah, est-ce que c'est pas tout simplement parce que l'amour, c'est compliqué? L'amour est compliqué, mais il ne faut pas penser et pas agir à la place de l'autre. Il faut écouter l'autre. Est-ce qu'il manque pas peut-être tout simplement un psychologue de couple entre Manuel Valls et les entreprises? Ah ben on a perdu Christophe sur ce coup-là. Ou alors peut-être était-ce un orgasme, on ne sait pas. En ce cas, c'est plutôt un sexologue qui manque entre Manuel Valls et le MEDEF. En tout cas, une chose est sûre, ceux qui se font toujours baiser, ce sont toujours les mêmes, les chômeurs. Merci Guillaume Meurice. Pourquoi est-ce que je m'attendais à cette conclusion? Ah, c'est bizarre. Voilà, une semaine, j'ai bossé pour que quand vous reveniez, il soit de droite. C'est loupé. Et ça ne marche pas. Et oui. Je réessayerai demain. Merci Guillaume. Allez, jusqu'à 18h, on est avec Tristan Bannon. Et puis derrière, on va parler de Francis Cabrel. On est tout en musique avec les Klaxons Golden Scans. Oh, Klaxons. Ils sont anglo-saxons. C'est bien ça de Klaxons. C'est très bien. C'est très très bien. Voilà. Surtout quand vous voulez tourner à droite et qu'il y a quelqu'un qui passe. Hop, vous c'est très dessus, pratique. Évidemment. Golden Scans. c'est la playlist France Inter. Et voilà, ça, on valide. Hein. On adore. On n'a rien à dire, mais on valide quand même. On s'en fout. Vous êtes bien sur France Inter. Nous sommes avec Tristan Bannon qui publie Love, etc. aux éditions de l'Archipel. Vous êtes à la bonne adresse. On va aborder le troisième sujet avec vous. Il écrit une chanson et demie par an, j'ai calculé. puis il sort un album. Suffit. Ouais. Et ça suffit, ouais, voilà, 12 chansons. Alors, tous les 7 ans, il sort un album. Donc, il aime la lenteur, il aime les cailloux, il aime l'artisanat, il aime les cabanes au fond du jardin. C'est le grand retour de Francis Cabrel. Où il n'y a rien, qui va ? Les hommes se parlent plus, ils communiquent plus. C'était mieux avant. Ouais, c'est bien ça. C'était mieux avant. Est-ce que avant on osait se moquer de Francis Cabrel ? Telle est la question, parce qu'apparemment aujourd'hui, on s'en donne à cœur joie. C'est les Guignols, bien sûr, et puis celui qui l'a beaucoup imité, c'est Laurent Gérard aussi, hein, les cailloux et la cabane au fond du jardin. Parfois, Francis Cabrel, mieux que Francis Cabrel lui-même. ça vous fait plaisir, ce retour de Francis Cabrel, qui est très très attendu. Vous êtes cliente, vous, Tristan Bannon ? Comment on dit « je m'en fous » en belge ? Non mais, bah oui, c'est, on peut s'en foutre. Hein, alors je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous toucher. Alors c'est dans le Figaro aujourd'hui, il est partout dans la presse, hein, mais il y a une pleine page dans le Figaro. Avant de présenter 12 chansons au public, il faut avoir vécu, lu les choses et croisé des gens. Si je ne suis pas émue, je n'écris pas. Voilà, au moment où il y a plein de chanteurs qui sortent à tour de bras des albums, qui a une cadence parfois industrielle, est-ce que c'est pas beau de se nourrir de nourriture intellectuelle et de rencontres avant de produire quelque chose ? Un septennat. Non, mais ça doit plaire à des gens. Ça, j'en doute pas. Moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai 35... Vous pouvez poser des questions, si vous voulez. C'est moi, l'encre de tes yeux, je trouve que c'est une belle chanson. Non, mais c'est ça. Mais ça date d'il y a un moment, en même temps. Ah oui, mais j'ai pas encore... C'est-à-dire que j'ai 35 ans, quand j'étais jeune, il était déjà vieux. On est bien d'accord, hein. On parle bien de la même personne, on parle de Francis Cabrel. Une analyse qui tient la route. Alors on n'a pas encore écouté le dernier album, mais le précédent était pas mal, non, Des Roses et oui, des Orties. Oui, je me suis d'avant. Voilà, mais Charline, vous le connaissiez peut-être ou vous venez de le lire, le titre de l'album d'avant. Il était bien celui d'avant, Des Roses et des Orties. Elle connaît tous les titres d'albums de Francis Cabrel. C'est écrit dans le papier et je dois l'avoir à la maison, j'aime assez bien. Un petit air là comme ça. Ah non, là par contre je suis plus capable. Voilà, le nouveau s'appelle In Extremis. Il y a les lames du plancher. Enfin, je pense que c'est un truc, ça doit ressembler à ça. Autour de cette table, tout le monde aime Francis Cabrel. Vous l'attendiez avec beaucoup d'émotion, je le sens. Hein, parce qu'il y a un décalage entre cette table et toute la presse ce matin. Hein, pourquoi la presse se déchaîne à ce point-là ? C'est dur d'être hostile à quand même. Mais oui, c'est ça. C'est qu'il nous a rien fait. Il nous a rien fait. C'est des bons souvenirs. Quand on était jeune, on entendait ça. Et bah voilà, oui. Ça avait un petit côté nostalgique déjà. Depuis tout le temps à la télé. C'est pas un mec qui est habitué des plateaux de télé. Exactement, on n'est pas obligé d'écouter non plus. Il est très discret et tout. À part les enfoirés, on peut pas lui reprocher grand-chose. Il est parti. Ça, okay. Un point de moins là. Et je voudrais juste saluer Frédéric Fomin qui lui écrit une chanson toutes les semaines. Oui, autant vous dire qu'il y sacré cadence. Mais alors, donc, Francis Cabrel, au bout de 7 ans, il fait un album, 12 chansons. Et le week-end juste avant, il y a le gagnant de The Voice. Lilian, 23 ans, à qui on va demander tout de suite, là maintenant, de tout de suite produire un album, parce que bientôt, après, ça va être la chanson qui naît. Donner l'album. Oui. Alors, il dit, j'ai déjà beaucoup d'idées pour mon album, ce jeune homme de 23 ans, peut-être trop. Oh, il a trop d'idées, ouais, qu'il en donne aux autres, je sais pas moi. J'ai un univers musical assez large, je ne sais pas encore quel style je vais choisir. Donc, le mec, il sait pas encore le style qu'il va choisir. C'est pas dur, tu fais un plouf-plouf. Funk soul. Ah ouais, on peut faire comme ça. Mais c'est lui qui était fromager, c'est ça ? Oui. Oui. Hein, la collusion de ces deux actualités. Mais là, on prend deux extrêmes, justement. C'est vrai qu'il y en a un qui est ridicule dans un sens et l'autre qui est ridicule dans l'autre. C'est-à-dire que il a déjà signé pour l'album, tout est financé, il ne sait même pas quel style il veut chanter. Non, mais c'est quand même beaucoup plus ridicule que Cabrel. Oui, c'est plus ridicule. Maintenant, est-ce qu'on écoutera plus l'un que l'autre ? Malheureusement, ça dépend qui est ce « on » dont vous parlez. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que Cabrel, je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment. Maintenant, est-ce qu'ils achètent encore des CD, ces gens-là ? Ils achèteront en cassette audio. C'est un peu comme Mireille Mathieu, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui aiment mais personne n'achète quoi. Il va être content, Francis. Détrompe-toi parce que justement les personnes. Parce que tu achètes Mireille Mathieu. Non, mais les gens qui vendent, les chanteurs qui vendent le plus de disques aujourd'hui sont le vendent à un public qui aujourd'hui ne télécharge pas et les gens qui téléchargent pas c'est des personnes qui écoutent Mireille Mathieu qui ont 50-60 ans. Je pense qu'il va marcher en concert. Ah, exactement. Rappelons qu'il y a aussi, je suis sûr que son CD va bien marcher. Rappelons qu'il y a aussi la musique live en direct et les concerts qui marchent très très très bien, effectivement. Une petite revue de presse pour la route, les oreilles. Dites donc, vous avez astiqué le jingle ou quoi? On peut y aller. Allez, c'est parti. Ihre Rolle. Qu'est-ce qu'il dit? Is es nun. Rumpir. Dem Europäischen. Ja, ja. News au kilo. Traum. Ah bah tu vois, je suis déjà là-bas. C'est moi, vous osez vous foutre? L'Espagne est sous le choc. Un livre dévoile la vie privée de Juan Carlos. C'est terrible. Apparemment, il aurait eu pendant 10 ans une double fiche. Ça alors, Alec, un dirigeant qui trompe sa femme. Moi aussi, ça m'a mis par terre. Mais c'est là qu'on voit quand même les ravages de la monarchie. Si ces gens avaient du travail, ils n'auraient pas le temps de vivre une double vie. Voilà. Oui, alors quoi que. Sport, le Paris Saint-Germain va changer de nom. Non, alors pas vraiment. Rassurez-vous, vous pouvez rassurer la famille chez vous, Tristan. En fait, c'est le maire de Saint-Germain-en-Laye qui a appris ça ce matin en lisant Le Parisien. C'est la ville qui réfléchissait éventuellement à demander au PSG de changer de nom en cas de déménagement du centre d'entraînement. Il y a Poissy notamment qui fait candidature. Donc voilà, il dément. Et voilà. Le PSG reste PSG. Bien sûr, et je pense que même si on l'oblige à changer de nom, ils ne devront pas changer les initiales. Le PSG ne serait plus alors Paris Saint-Germain, mais bien Pognon sur gazon. Et là, personne ne pourrait dire que c'est usurpé. Et une jolie info pour terminer. Alex. Oui, un couple britannique qui bat le record du mariage le plus âgé. 91 ans et 103 ans, ils se marient. Moi, je trouve ça beau parce qu'il aura mis quand même longtemps pour pécho. Et a priori, le mariage ne sera pas trop long, ce qui est le plus beau dans l'histoire d'amour. Mais oui, vous avez encore une info d'utilité publique. Oui, j'en ai, vous voulez? Le Huffington Post nous annonce que le record de Rubik's Cube a été battu ce week-end en Pennsylvanie. 5 secondes, 253 millièmes. Voilà. Il y a vraiment des gens quand même. Autant que cette brève qui était effectivement très très utile. Inutile, merci. Comme vous me l'aviez demandé. Merci Alex. Merci, oui, c'est du temps d'antenne de service public, mais c'est comme ça. Je suis une personne de confiance. Merci Tristan Bannon d'être resté avec nous. On a remarqué que vous étiez aussi hyper calé donc en football et en football féminin en particulier. J'en entends beaucoup parler. Si il y a des commentateurs. Alors, il y a une commentatrice qui est une joueuse de foot, j'ai oublié son nom. Marinette Pichon. Marinette Pichon, voilà. Si vous pouvez faire aussi fort que Marinette Pichon, alors qu'elle, elle a exercé le football. Je veux bien revenir ici le jour de, mais ça, de mais la ça finale. Parce que ça commence le 14 mai. Je rappelle votre livre Love etc. Tristan Bannon avec une préface de Carla Bruni quand même qu'on embrasse aussi hein, parce que mais moi on parle je l'aime beaucoup. Alors ne dites pas de mal. Non, c'est pas notre genre. Attendez demain. C'est vraiment pas notre genre. On ne parle que des chanteuses qu'on de la voix ici. Merci donc, Tristan Bannon et on se quitte donc avec les joueuses de foot. Allons-y. Allez, vivons au PSG. Il y a un très gros problème en défense. On va au devant de très grandes déconvenues.